nuit balaye les échos, journée qui s'enfuit. Là sur le pavé gris, j'ajuste mon manteau, il tombe un peu de pluie. Quand les murs sur les places se dissimulent dans le soir, les images s'effacent, mais dans le noir, les cases de lumière aux façades allumées écrivent dans les airs comme une bande dessinée. Et dans ces pages de verre, moi je te sans dire un mot, je rejoins mon abri. Dans un dernier whisky qui me saoule un peu trop, chavire mon ennui. Et sur le mur d'en face qui danse et tourne dans le soir, les images se glacent et dans le noir, les cases de lumière de lumière écrivent dans les airs comme une bande dessinée. Et dans ces pages de verre, moi je te ce petit bistrot de la rue Maupertuis. C'est dimanche aujourd'hui, il est encore bientôt, je ne sais plus où je suis. Entre les murs et les places, je déambule sur le boulevard. Il y a tant de gens qui passent et me bousculent sans me voir. Alors quoi que je fasse, une infortune nous sépare. Ton image s'efface pourtant ce soir. Les cases de lumière aux façades allumées écriront dans les airs comme une bande dessinée. Et dans ces pages de verre, moi je te trouverai. Les cases de lumière aux façades allumées écrivent dans les airs comme une bande dessinée. Et dans ces